La science CQFD, Natacha Trioux. Avec ses 170 milliards de cellules, dont 86 milliards de neurones en moyenne, c'est l'organe le plus complexe de notre corps. Quelle est l'histoire évolutive du cerveau ? Produit chaque action, chaque souvenir, chaque émotion. Comment cet organe de la pensée s'est-il structuré au cours de l'évolution pour atteindre un tel niveau de complexité? Comment l'être humain s'est retrouvé avec le plus gros volume de cerveau par rapport à sa taille? On revient sur les grandes révolutions cérébrales du monde vivant de ces derniers millions d'années et on vous emmène dans cette grande odyssée évolutive du cerveau. Cerveau primitif, un casse-tête. Philippe Vernier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS et directeur de l'Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot et spécialiste du cerveau dans l'évolution. Avec nous également Emmanuel Gillissen, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes conservateur des mammifères au musée de l'Afrique à Tervuren en Belgique. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture. Et merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, mais aussi sur Twitter pour notre live tweet. C'est tout de suite @sciencesCQFD. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de comment le cerveau est apparu dans l'histoire du vivant, comment l'évolution l'a façonné et comment le cerveau est-il finalement devenu humain. En 1958, on s'interrogeait déjà sur l'évolution du crâne, du cerveau et de l'intelligence. C'est notre archive du jour. Nous voyons depuis cette période ancienne, depuis le tertiaire par exemple, depuis le début du quaternaire aussi, une évolution tout à fait caractéristique qui se rapporte avant tout à l'évolution du crâne. Voilà. Évolution du crâne dans un sens, sens de développement, évolution de la face dans un autre sens, sens de réduction relative. Il y a également les rapports de dimension du crâne qui varient. Il n'augmente pas simplement dans ses dimensions globales, oui. Mais sa forme change. C'est ainsi que, d'une façon générale, tous les grands singes, tous nos ancêtres, de même que du reste certaines races actuelles encore, oui. ont le crâne long et étroit. Tandis qu'un phénomène nouveau est apparu il n'y a pas extrêmement longtemps, à l'époque que les préhistoriens appellent le mésolithique, oui. c'était la brachycéphalisation, c'est-à-dire la transformation d'un crâne long et étroit en un crâne large et court. Je voudrais vous demander si vous pensez qu'il résultera de cette augmentation du cerveau une augmentation de l'intelligence. Il y a non seulement une augmentation en volume du cerveau, mais il y a aussi une transformation de la structure microscopique de l'écorce grise, c'est-à-dire voilà. de l'ensemble des tissus qui sont les sièges du mécanisme mental. On peut comparer le cerveau, si vous voulez, à une sorte de machine électronique dont le rendement et l'efficacité augmentent au fur et à mesure que vous multipliez les tubes, qui sont dans le cas particulier les neurones d'association. Évidemment. C'est ainsi qu'on peut parfaitement se faire une idée de ce que pouvait être autrefois le psychisme, les possibilités psychiques de l'homme de Néandertal, attestées par l'anatomie sommaire que l'on peut connaître de leur oui. cerveau, attestées également par les preuves de leur fonctionnement psychique, à savoir les vestiges d'industrie qu'ils nous ont laissés. Évidemment. Et nous pouvons parfaitement imaginer que les fonctions mentales qui sont pour nous extrêmement simples, presque intuitives, devaient demander à ces hommes de Néandertal une concentration d'esprit considérable. Voilà une réaction à cette archive, Philippe Vernier. Oui, c'est intéressant. Donc, il y a plusieurs aspects qui peuvent être soulignés dans cette archive. D'une part, l'idée que certaines races humaines, comme c'est dit, pourraient ressembler à des formes ancestrales de l'humanité. C'est quelque chose qui est plus tenable aujourd'hui, en revanche. L'idée aussi que dans l'espèce humaine, les neurones pourraient avoir quelque chose de particulier, de spécial par rapport aux neurones d'autres espèces. C'est aussi quelque chose qui aujourd'hui est difficilement tenable. Les neurones d'un chien, d'un chat, d'un oiseau, d'un poisson sont très largement semblables dans leurs caractéristiques. Et c'est pas ça qui fait la différence entre l'homme et les autres animaux. Mais, et puis également l'idée d'un psychisme qui serait néandertalien, qui serait plus simple et pour lequel les opérations complexes seraient plus difficiles à mener, pour autant qu'on regarde effectivement les artefacts qu'ont produits les Néandertaliens, si on les compare à ceux des Cro-Magnons de l'époque, ils n'avaient rien à leur envier. Donc on peut imaginer qu'à la culture différente, bien sûr, de ces êtres humains, correspondaient des caractéristiques qui, à bien des égards, doivent ressembler à celles des cerveaux d'aujourd'hui. Une archive bien datée hein, qui montre bien l'évolution de nos connaissances. Mais une réaction, vous aussi, Emmanuel Gillissen, à ce qu'on vient d'entendre. Mais oui, tout à fait. Mais comme le dit effectivement Philippe, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a pu intervenir maintenant depuis ce, donc depuis cet exposé, qui est tout à fait remarquable d'ailleurs, parce que de toute façon, il contient en germe pas mal de choses maintenant sur lesquelles on peut avoir des précisions. Par exemple, la forme du cerveau. Bon, c'est fort intéressant. Il y a des asymétries cérébrales qui sont en rapport avec la forme du cerveau et qui ont, semble-t-il, des corrélats cognitifs. Alors aussi, bon, on comprend, maintenant publié il y a quelque temps, le fameux, le plus ancien encéphale mis à jour, bon, Maroc, Jebel Irhoud, ce serait quelque 300 000 ans, mais Homo sapiens archaïque, qui aurait un cerveau d'une forme, bon, qui a changé par la suite, quoi. Sans que tout ça ne puisse être mis en rapport avec quoi que ce soit de performance cognitive, que sais-je, hein, rien du tout de tout ça. Néanmoins, bon, il mentionnait l'écorce grise, enfin, c'est pas mal dit, ça, donc c'est la matière grise qui modifiée, etc., etc. Bon, il est vrai, par exemple, des cerveaux de grande taille, comme ceux des cétacés, par exemple, semblent avoir une moindre différenciation cellulaire, je dirais, de l'architecture cellulaire est plus homogène comparée à d'autres cerveaux. Donc, vous voyez, il y a est-ce qu'on peut voir là des corrélats cognitifs? Mais je vais pas du tout m'aventurer là-dessus. Mais néanmoins, voilà, il y a des thématiques qui sont soulevées dans cette interview sur lesquelles on a pu avoir plus de documentation maintenant, effectivement. Alors, il y a quelque chose d'assez comique quand je l'entends parler du crâne. Alors, ça fait très ancien, parler du crâne, tel comme ceci, comme cela, mais on oublie maintenant très fort, même dans des publications de très haut niveau, hein, que quand on parle du crâne d'un reptile, par exemple, le cerveau se trouve dans un vrai neurocrâne, mais qui est d'origine, qui est de l'os, qui est d'origine, enfin, l'ossification fait intervenir du cartilage dans le neurocrâne d'un reptile. Chez l'homme, ce neurocrâne ancien a complètement disparu, et on n'a plus que de l'os d'origine dermique. Ce qui fait que, si vous voulez, c'est une structure osseuse qui, au départ, est une espèce de tissu conjonctif qui flotte sur le tissu sous-jacent, par exemple le cerveau, l'encéphale, et puis qui s'ossifie. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup moins de contraintes pour l'expansion du cerveau des mammifères. Vous voyez, le neurocrâne cartilagineux, une structure qui permet pas d'expansion comme ça de l'encéphale, a pour ainsi dire complètement disparu chez les mammifères. C'est ça qui permet c'est corrélé à l'expansion du cerveau. Emmanuel Gilissen, on reviendra évidemment sur ces différences anatomiques, mais pour revenir sur cet archive qu'on venait d'entendre, et je voulais aussi vous faire réagir sur ça, Philippe Bernier, ce qui m'intéressait dans cet extrait, c'est qu'il y a tout de même un anthropocentrisme très fort et difficile à combattre dans notre appréhension du cerveau et du système nerveux. Oui, ça c'est sûr que l'anthropocentrisme en matière de cerveau est extrêmement fort et ancien, et comme vous dites, difficile à combattre. C'est vraiment important de se souvenir que de l'enseignement, je dirais, initial de Darwin, qui explique bien que les espèces divergent les unes des autres et que les espèces qui vivent aujourd'hui sont toutes aussi modernes que nous. Il n'y a pas d'espèce qui serait plus ancienne. L'homme ne descend pas du singe, évidemment. Donc c'est très important de rappeler ça. Et c'est important aussi de mentionner que une des particularités du cerveau humain que vous mentionniez au début, c'est effectivement sa taille par rapport à la taille du corps, qui est effectivement une des plus grosses que l'on connaisse, mais c'est cette grande taille de cerveau par rapport à la taille du corps existe aussi dans beaucoup d'autres espèces qui ne sont pas des mammifères, comme chez les oiseaux, par exemple, dont certaines espèces, comme les corbeaux, les pies, ou les perroquets, peuvent avoir des cerveaux également très très gros par rapport au poids du corps. Et c'est également le cas de certains poissons, comme les cyclidés, des lacs africains, par exemple, ou des labres, des récifs coralliens australiens, qui aussi ont des très gros cerveaux par rapport à la taille du corps. Donc cette importance de la taille du cerveau est justement une propriété qui n'existe pas que dans l'espèce humaine pour les mammifères, mais dans beaucoup d'autres groupes d'espèces animales, ce qui permet de combattre un peu l'anthropocentrisme qui effectivement préside en général aux idées sur le cerveau. Oui, vous parlez des corvidés, les corbeaux, dont les capacités cognitives on parle d'une intelligence équivalente à celle d'un enfant de 8 à 12 ans. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que je trouve que quand on parle de cerveau aussi, ça amène également à repousser les limites, quand on parle de cerveau d'intelligence, à repousser les limites définitionnelles du cerveau. Oui. Donc vous vouliez que j'essaie de vous définir un cerveau. En fait, tout simplement, en effet, quand on dit cerveau, avant de parler hein, de qu'en est-il des premiers cerveaux, déjà, qu'est-ce qu'on appelle cerveau ? Oui, non, ça c'est une question qui n'est pas si simple. Finalement, un cerveau, ou alors au contraire, il faut répondre très simplement. Un cerveau, si vous voulez, c'est un groupe de neurones volumineux dans la tête. Je pense qu'on peut le définir très simplement de cette façon-là. Ensuite, parce que il y a des cerveaux dans des groupes d'animaux extrêmement variés. Bien sûr, il y en a par exemple chez les insectes, chez tous les arthropodes, hein, c'est-à-dire les insectes, les crustacés, ils ont des cerveaux parfois de grande taille. Les abeilles, par exemple, ont des cerveaux de grande taille. Vous avez aussi certains vers, certains annélides qui ont aussi des cerveaux de taille tout à fait respectable. Donc le cerveau existe dans un très très grand nombre d'animaux. D'autres animaux ont des systèmes nerveux avec des très petits cerveaux ou avec très peu de cerveaux également. Donc, si vous voulez, encore une fois, la définition la plus simple, c'est de dire que c'est quand on a un grand amas de neurones et de cellules nerveuses dans la tête. Emmanuel Gillissen, le cerveau, c'est une partie du système nerveux et un synonyme de système nerveux central également. Mais oui, c'est ça. On peut dire, oui, un système nerveux central, essentiellement le cerveau. Enfin, on parle de l'encéphale, hein. Donc, disons, il y aura avec plusieurs vésicules qui le constituent. Mais effectivement, on s'entend beaucoup mieux à parler de cerveau. Et il y a une chose qui est intéressante à dire à propos de ce que mentionnait Philippe, c'est que, ben oui, les cerveaux présents chez les arthropodes, ben, par exemple, chez des insectes, on voit que des fonctions requiert l'usage d'un neurone, tandis que chez les mammifères, il en faudra plusieurs centaines. Philippe Bernier, à l'échelle taxonomique, on observe une énorme diversité d'organisation du système nerveux. Oui, ça c'est effectivement... ces dernières années ont montré ce point-là de façon vraiment très saillante. Si vous voulez, pendant très longtemps, d'une part l'anthropocentrisme et aussi l'idée extrêmement prégnante dont il est difficile de se défaire, selon lequel, finalement, au cours de l'évolution, on irait du simple au complexe. Et avec, par exemple, chez des animaux très très simples, comme par exemple les méduses, avec un système nerveux qui est une sorte de réseau de nerfs emmêlé dans la peau. Et puis ensuite, on passerait à des systèmes nerveux centralisés, par exemple, comme on peut le trouver chez la mouche ou chez l'abeille, mais avec un système nerveux qui est en position ventrale, l'équivalent de la moelle épinière, sur le ventre, au lieu d'être comme chez nous, sur le dos. Et puis ensuite, chez les animaux, et avec aussi un cerveau, et puis ensuite, chez des animaux et qui ont en fait une particularité qu'on appelle une corde dorsale, donc l'équivalent, si vous voulez, de notre colonne vertébrale. Là, cette fois-ci, le système nerveux serait toujours central, mais passé sur le dos. Hein, c'est ce que Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire avait raconté dans sa célèbre histoire du homard. En fait, Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire, qui est un des premiers à avoir reconnu que les organismes vivants avaient une organisation systématisée, si vous voulez, avec des différentes parties. La tête, le cou, le thorax, l'abdomen, les quatre membres. Et cette forme générale des organismes à symétrie bilatérale, avec un haut, un bas, un avant, un arrière, une droite et une gauche, il disait que c'est un plan qui est commun, par exemple, justement, à des crustacés comme le homard et à des mammifères comme l'homme. Et il disait que la grande différence, finalement, entre le homard et l'homme, c'est que si vous prenez un homard que vous mettez sur le dos, eh bien, on change la différence. Il a un système nerveux dans le dos, comme les êtres humains. Vous voyez, donc cette idée de système nerveux centralisé a été longtemps l'idée la plus partagée par les scientifiques. Et puis depuis une vingtaine d'années, en étudiant un grand nombre d'organismes, pas seulement les insectes et les mammifères par exemple, mais beaucoup d'autres, et des annélides, on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme diversité de formes de système nerveux. C'est-à-dire que cette l'idée d'une corde qui est nerveuse, qui était soit ventrale, soit dorsale, avec un cerveau dans la tête, ben on trouve que non, il y a énormément d'autres formes de système nerveux. Il y en a qui ont plusieurs cordes nerveuses, il y en a qui ont également des réseaux de neurones distribués dans tout le corps. Voilà, une énorme diversité de formes de système nerveux qui rend du coup la compréhension de l'origine du système nerveux et du cerveau beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'on pouvait le penser il y a quelques années. Et en tout cas, ce n'est pas une évolution linéaire. Emmanuel Gillissen, pour compléter. Mais oui, quelques exemples tout à fait fascinants, exemples qui permettent de compléter ce qui vient d'être dit. Par exemple, une créature dont le système nerveux serait annulaire. Donc, il n'y a pas de système nerveux, il n'y a pas de devant, de derrière, il n'y a pas de tête, si vous voulez, comme une ophiure. Donc, vous voyez cette espèce d'étoile de mer, mais c'est pas vraiment une, ça ressemble à une étoile de mer, mais ça n'en est pas une, hein. C'est un petit peu, bon, ce sont les échinodermes, vous voyez, donc, ces créatures à asymétrie radiaire. Donc, ça ressemble comme à les oursins, par exemple. Voilà, comme les oursins, voilà. Donc, voilà, une ophiure, hein. Donc, c'est les concombres de mer, les holothuries, voilà, les oursins. Alors, l'ophiure, on observe, et quelqu'un m'avait montré même une vidéo de ça, sur la plage, elle avance comme si elle avait, elle a 5 bras, mais elle avance comme si elle avait 4 pattes et un des bras fait office de tête. Alors, si elle veut tourner, changer de direction, c'est un des bras qui reprend l'office de la tête, si vous voulez. Donc, l'ophiure, qui a pourtant un système nerveux annulaire, très simple, se déplace comme une créature à système nerveux bilatéral. Donc, c'est assez extraordinaire. On pourrait dire ici, c'est un exemple assez fantastique de rapport structure-fonction qui n'existe pas, si vous voulez. Bon, voilà, on pourrait croire que pour avancer comme n'importe quelle créature qui a des bras et des jambes ou des pattes à gauche et à droite, il faut au moins un système nerveux central. Eh bien, non, pas du tout. Voilà. On a aussi l'exemple des céphalopodes qui se sont, eux, complexifiés avec un système nerveux dans les tentacules. On parle là de l'hétérogénéité, hein, de tous ces systèmes nerveux, mais il y a aussi une certaine unité des cerveaux chez les mammifères, chez les vertébrés. Philippe Bernier, même dans le groupe des vertébrés qui est assez diversifié, la forme que prend le cerveau a à la fois beaucoup de points communs, notamment sur le plan d'organisation, avec 5 parties distinctes. Oui, donc ça fait partie justement des prolongements des découvertes d'Étienne Jouffroy-Snyder, dont je parlais tout à l'heure. C'est l'idée que les organismes vivants ont un plan d'organisation et le cerveau n'échappe pas à la règle. Le cerveau des vertébrés, comme vous le dites très justement, est fait de 3 grands domaines au départ. En plus de la moelle épinière, donc la moelle épinière sera un 4e domaine, et en avant, vous avez le tronc cérébral, puis une deuxième partie qui est le cerveau dit moyen, mésencéphale en termes savants, et puis un cerveau antérieur, prosencéphale, donc les 3 grandes parties. Et puis ensuite, effectivement, on peut diviser le tronc cérébral en 2 parties, et ensuite le cerveau antérieur en 2 autres parties, ce qui fait 5, comme vous le disiez tout à l'heure. Et ce plan, alors on peut même aujourd'hui avoir des divisions un peu plus précises de cet ensemble, mais ce qui est vraiment très important à comprendre et à savoir, c'est que tous les vertébrés, depuis les lamproies, les myxines, qui sont les représentants modernes des vertébrés qui ont émergé les premiers, jusque aux amphibiens, aux oiseaux, aux cétacés dont on parlait tout à l'heure, ou à d'autres mammifères comme l'homme, tous ces animaux ont le même plan général d'organisation. Tout le monde a ses 5 grandes parties, tout le monde a l'équivalent, si vous voulez, d'un télencéphale, c'est-à-dire d'un cerveau avec des parties très développées à l'avant. Tout le monde a l'équivalent d'un thalamus qui sert de relais sensoriel. Tout le monde a un cervelet, ou presque, avec des détails un peu différents. Tout le monde a un tronc cérébral divisé en 8 parties. Ce plan général du cerveau est partagé par tous les vertébrés. C'est très important de le comprendre. Il n'y a pas des vertébrés qui auraient un plan plus simple que les autres. Le plan général est très, très largement conservé. En revanche, bien sûr, sur ce plan, un petit peu comme avec un plan de maison, avec une cuisine, 3 chambres et une salle de bain, vous pouvez faire une maisonnette, vous pouvez faire une maison magnifique et avec beaucoup de luxe. Eh bien, c'est un petit peu la même chose pour chaque partie de l'organisation du cerveau. Vous pouvez imaginer que cette partie prend des tailles, par exemple, extrêmement larges, ce qui peut arriver aux primates et à l'homme, mais aussi aux corbeaux, comme on disait tout à l'heure. Et puis d'autres parties, en revanche, vont être très petites. Et puis certains poissons, au contraire, ont par exemple un énorme cervelet. Vous voyez, le plan général est organisé le plan général d'organisation, est conservé, mais les différences que chacune de ces parties peuvent prendre entre les espèces est très grande. Donc on a à la fois cette conservation et aussi une grande possibilité de plasticité, de différence entre ces régions cérébrales. Et autre chose, hein, les mammifères sont les seuls animaux qui ont un cortex. Oui. Avec en effet parce qu'on parle là des mammifères, puis les autres espèces ont un équivalent du cortex. Voilà, donc ça fait partie des points qui sont souvent un petit peu difficiles à comprendre. Effectivement, seuls les mammifères ont un cortex au sens strict, c'est-à-dire fait de 6 couches de neurones, 6 couches de cellules superposées les unes par rapport aux autres. Mais chez les oiseaux, qui n'ont pas les neurones disposés en couches, ces oiseaux ont une organisation en noyau, si vous voulez, qu'on appelle une action nucléaire, mais dans la région absolument équivalente à celle du cortex, qu'on appelle le pallium. Pallium, c'est un mot latin qui qualifie le manteau que les sénateurs romains mettaient au-dessus des autres vêtements pour entrer à la curie, comme, si vous voulez, dans le cerveau, cette région est au-dessus des autres régions. Et ce pallium, qui est l'équivalent du cortex des mammifères, existe chez les poissons, chez les lamproies, chez les oiseaux, les grenouilles, les serpents, les lézards, enfin absolument tous les vertébrés que l'on connaît aujourd'hui. Emmanuel Gillissen ? Oui. Quelques petits exemples peut-être un petit peu spécifiques à propos de ce qu'a évoqué Philippe sur les parties fondamentales de l'encéphale qui peuvent augmenter ou pas de taille, etc. Il y a cet exemple tout à fait remarquable des poissons faiblement électriques africains, les mormyridés. Vous voyez, c'est pas compliqué, ce sont des poissons d'aquarium, hein. Ce sont les poissons éléphants, je crois, on les appelle comme ça. Oui, tout à fait. En fait, voilà. Donc, en fait, pratiquement, on pourrait les représenter. Vous avez évoqué effectivement les mammifères, le cortex, l'augmentation de la dimension du cortex, etc. Eh bien, chez les mormyridés, c'est une partie du cervelet qui est gigantesque. C'est même pas tout le cervelet, hein, c'est la valvula cérébelli. Enfin bon, comme ça que tout le monde peut aller vérifier, mais voilà. Donc si vous voulez, ben, c'est une autre voie prise par l'évolution pour différencier un cerveau, si vous voulez. Donc on pourrait dire ceci, si vous voulez, pour arriver au cerveau des mammifères et autres, etc., on augmente le cortex et il recouvre tout le reste de l'encéphale. Mais chez les mormyridés, c'est l'inverse, on prend le cervelet et c'est lui qui recouvre tout le reste de l'encéphale. Donc vous voyez deux façons de faire un cerveau très différencié. Sans changer le plan pour autant. Voilà, sans changer le plan pour autant. Voilà, exactement. Le plan fondamental, il reste là. Mais nous venons de répondre à la question, c'est quoi un cerveau ? Mais à quel moment cela apparaît dans le monde vivant ? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h22 sur France Culture avec Philippe Vernier et Emmanuel Gillissen. Nous partons pour une grande odyssée, celle de l'histoire évolutive du cerveau. Après avoir répondu à la question « qu'est-ce qu'un cerveau ?», Philippe Vernier, est-ce qu'on sait à quoi ressemblent les tout premiers cerveaux ? À l'origine, qu'est-ce que c'était ? Alors, tout dépend si on parle du cerveau ou du système nerveux. Les tout premiers cerveaux, on peut en être absolument sûr, n'existe que chez les animaux qui ont, comme on disait tout à l'heure, une symétrie bilatérale. C'est-à-dire les animaux qui ont une tête, une queue, un haut, un bas, une droite et une gauche. Et ces animaux sont apparus sur Terre il y a à peu près, disons, 550 millions d'années. On en connaît quelques fossiles qui ont été identifiés, par exemple, en Chine ou au Canada. Et donc ces animaux-là avaient un système nerveux central et probablement assez vite un cerveau. Mais pour ce qui est de l'origine du système nerveux lui-même et même des neurones, là la question est beaucoup beaucoup plus compliquée. Parce que quand on regarde dans des espèces dont l'origine est encore plus ancienne, si vous voulez, comme par exemple certaines formes de méduses, chez les méduses il y a deux grands groupes. Alors je suis désolé pour les noms, il y a un groupe qui s'appelle les cnidaires, qui sont les méduses classiques si vous voulez, et l'autre qui s'appelle les cténophores, qui sont des méduses qu'on appelle aussi parfois, en anglais on les appelle comb jelly, c'est mieux, c'est les méduses en forme de peigne. Ces méduses en forme de peigne, si vous voulez, aujourd'hui on en est à peu près sûr, ont en fait une origine extrêmement ancienne, plus ancienne même probablement que les coraux et les éponges. Alors pourquoi je parle de ces animaux-là ? C'est parce que s'ils sont encore plus anciens que les coraux et les éponges, c'est intéressant parce que ces animaux ont indiscutablement des neurones. Mais les coraux et les éponges n'en ont pas. Alors que l'autre groupe de méduses, les cnidaires, ont à nouveau indiscutablement des neurones. Et quand on regarde comment sont faits les neurones d'échinidaires d'un côté, c'est-à-dire des méduses classiques, et qu'on les compare aux neurones et aux composants des neurones qu'on trouve chez les cténaires, eh bien on s'aperçoit qu'ils sont très différents. Ce qui laisse à penser aujourd'hui de façon quasiment certaine que le système nerveux est apparu deux fois dans l'évolution, et non pas une seule fois, probablement sous l'effet de contrainte dont on parlera sans doute. C'est assez passionnant parce qu'en fait, c'est un hasard que l'émission tombe aujourd'hui, mais on a publié ces tout derniers jours en fait, le fait que ces neurones des cténaires, là, de ces méduses à peigne, en fait, ces neurones en fait, sont connectés les uns avec les autres, non pas par l'intermédiaire de jonctions qu'on appelle les synapses, comme chez la plupart des autres animaux, mais par des communications directes. En fait, les neurones sont en quelque sorte abouchés les uns dans les autres, forment ce qu'on appelle en termes savants un syncytium, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont sans discontinuité. Et l'ironie de l'histoire est amusante parce que quand le neurone a été découvert par deux grands savants, un italien, Camillo Golgi, et un espagnol, Santiago Ramón y Cajal, ils se sont battus sur l'idée que les neurones avaient ou pas des synapses, c'est-à-dire qu'ils étaient soit en continuité directe, soit en discontinuité. Santiago Ramón y Cajal pensait qu'ils étaient en discontinuité pour de bonnes raisons, avec donc une liaison par des synapses, alors que Camillo Golgi pensait que tous les neurones étaient connectés comme des canaux, si vous voulez, les uns avec les autres. Bah, finalement, ils pourraient avoir tous les deux raison, puisque les neurones de ces méduses un peu bizarres ont l'air d'être connectés comme des canaux, justement. Au cours de l'évolution animale, les neurones, ces cellules douées d'activité électrique, seraient donc apparues avec ces cnidaires, ces méduses, il y a quelques 680 millions d'années, vous dites. Oui. Et puis on a aussi une autre forme ancestrale de cerveau. Je me tourne vers vous, Emmanuel Gillissen. Une forme ancestrale de cerveau avec l'exemple d'un petit ver marin qui a 600 millions d'années, le ver Platineris. Je ne suis pas tout à fait sûr de sa prononciation. Platineris, oui. Voilà. Ah oui, là ça je dois vous dire, je vous me posez une colle là. C'était pas mon ambition, Philippe Bernier. Oui, alors effectivement, alors Platineris c'est un annélide qui vit aujourd'hui, hein, qu'on peut étudier, qui est d'ailleurs beaucoup étudié. Par exemple, il y a plusieurs équipes dans la Russie, à Paris, à l'Institut Jacques Monod par exemple, qui étudie Platineris. Ce à quoi vous faites mention, c'est la publication récente. D'un ver qui a été trouvé justement dans ces schistes chinois, pour lequel on a trouvé un cerveau qui a l'air de ressembler beaucoup à celui des arthropodes modernes, c'est-à-dire celui des insectes, par exemple, ou des crustacés, avec trois grandes régions du cerveau. On parlait tout à l'heure de ces grands domaines. Là, il y en a trois aussi chez ces animaux. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il semble que ce ver marin extrêmement ancien, en fait, avait déjà un cerveau en trois parties, alors que le reste de son corps le rapporte plutôt à des espèces modernes qui, elles, n'auraient pas de cerveau en trois parties. Donc, en fait, ça permettrait peut-être de résoudre l'hypothèse de l'origine d'un cerveau très ancien. Mais alors là, tout à l'heure, je parlais de méduses. Là, il s'agit d'animaux à symétrie bilatérale. Donc, on est quand même un groupe différent et plus moderne, entre guillemets, que celui des méduses. Mais on pourrait effectivement penser que dès l'origine, dès les tout premiers cerveaux, ces cerveaux étaient déjà régionalisés en plusieurs parties, ce qui effectivement est très intéressant pour mieux comprendre l'organisation et les fonctions du cerveau des animaux modernes. Oui, cette découverte, ça déconstruit complètement le mythe selon lequel le cerveau, au cours de l'évolution, se complexifierait et deviendrait plus élaboré. Oui, c'est comme on l'a abordé tout à l'heure. En fait, le système nerveux pourrait avoir été très complexe dès le départ. Et en fait, ce qui est certain, c'est que le système nerveux s'est secondairement simplifié dans de nombreux groupes d'espèces. Hein. Tout à l'heure, on ne peut pas les citer tous. Mais bon, par exemple, si on prend des vers plats comme les sangsues, le système nerveux est beaucoup moins compliqué que celui d'une mouche, par exemple, à bien des égards, à la fois en nombre de neurones et en complexité d'organisation. Donc l'idée que l'évolution procède par complexification est extraordinairement fausse. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'évolution par simplification. Alors cette histoire de système... Ah, vous vouliez réagir, Emmanuel Gillissen. Eh oui, il y aurait peut-être une chose à dire, effectivement, qui est tout à fait en rapport avec ce qui vient d'être dit. Et merci beaucoup à tous deux pour... je m'instruis moi aussi en écoutant Philippe. Merci beaucoup. Mais oui, le fait, effectivement, que les organes sensoriels aussi... souvent, on voit passer des articles montrant que des arthropodes, par exemple, de la période du grand boom, du Big Bang précambrien, le 500 150 millions d'années, autour de ces périodes-là, des organes sensoriels extrêmement complexes, comme l'œil des arthropodes, qui semble avoir été très complexe chez des fossiles extrêmement anciens, vous voyez, qui suivent, bon, enfin, qui accompagnent pratiquement l'explosion cambrienne, voilà. Alors, comme vous l'avez dit, Philippe Bernier, le système nerveux serait apparu au moins deux fois de manière indépendante au cours de l'évolution. Cette apparition du système nerveux est extrêmement ancienne, mais ce serait apparu, vous avez dit, suite à des contraintes d'évolution. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça, sur le principe, le concept de contrainte évolutive? Oui, alors c'est un concept qui n'est pas simple, mais qu'on peut essayer de... Enfin, évidemment, le problème de la biologie évolutive, c'est qu'on ne peut pas remonter dans le temps, c'est toujours un petit peu difficile, mais on peut, à partir des différents éléments que l'on peut connaître à la fois chez les animaux modernes en les comparant et aussi en analysant les fossiles, on peut essayer de construire des scénarios les plus réalistes possibles et après de les tester. Donc, qu'en est-il de cette contrainte ? Par exemple, donc à l'époque donc de 550-560 millions d'années, 500, ou autour de 600 millions d'années, dirons-nous, donc la Terre sortait d'une période de glaciation majeure, la Terre commençait à se réchauffer, les continents étaient une seule Terre, et en fait la fonte des glaces évidemment a fait monter l'eau, c'est un sujet qu'on connaît malheureusement bien aujourd'hui aussi, et en fait si vous voulez, il y a eu probablement sur Terre énormément d'espace recouvert d'une faible quantité d'eau qui a permis à de nombreux organismes de survivre grâce à la lumière solaire. Donc il y a par exemple beaucoup de micro-algues qui ont été générées à ce moment-là, qui ont permis d'ailleurs de produire l'oxygène qu'on connaît aujourd'hui sur Terre, des cyanobactéries par exemple, et des micro-algues. Et cela a permis le développement d'une faune qui correspond à ce que Emmanuel mentionnait tout à l'heure, dans cette explosion du précambrien. Mais la plupart de ces animaux, pour les fossiles qu'on a, étaient des animaux qui bougeaient peu, mais qui ont commencé à grossir en taille. Donc un moyen, et donc certains les plus gros ont commencé à manger les plus petits, ça c'est la prédation classique. Et certains animaux, donc ces premiers animaux à symétrie bilatérale, ont petit à petit trouvé un moyen d'échapper à ces prédateurs de grosse taille, mais c'est de bouger tout simplement. Et si vous voulez, pour bouger, il fallait connecter les neurones qui servent à contrôler l'activité du corps, les connecter à des muscles organisés, donc cette fois-ci de façon bilatérale, ce qui permettait, si on les active de façon alternée, de faire bouger le corps, de le faire, je ne trouve pas le terme, mais onduler, voilà, et de les faire avancer. Donc si vous voulez, cette capacité que ces premiers organismes ont eue à bouger leur a permis de survivre mieux dans un monde où, par exemple, certains arthropodes devenaient de plus en plus gros et pouvaient manger les plus petits. Donc, si vous voulez, cette contrainte qui a été de survivre en bougeant a facilité l'émergence et le succès évolutif de ces animaux à symétrie bilatérale par rapport à des animaux qui avaient peut-être une plus grande taille, mais qui n'étaient pas capables de bouger de façon volontaire. La contrainte évolutive, c'est trouver une solution d'adaptation. Exactement, d'adaptation. Et comme la survie est impérative, une fois que la solution est trouvée, elle a beaucoup de succès et elle peut se répandre très vite. Et c'est ce qui s'est passé pour ces animaux à symétrie bilatérale, qui ont eu un énorme succès, qui ont ensuite envahi la Terre entière dans les millions d'années suivants. La contrainte évolutive, ce serait donc une des explications de l'apparition du système nerveux et du cerveau, et la convergence évolutive, ce serait l'explication de la multiplicité des espèces dotées d'un... Si vous voulez, c'est le fait que des espèces qui partent d'un point de départ différent peuvent trouver finalement des solutions qui sont réalisées par des mécanismes distincts, mais dont les principes sont les mêmes. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée qu'on crée des cellules qui peuvent s'exciter donc, et exciter des muscles, par exemple, a pu être inventé plusieurs fois au cours de l'évolution parce qu'effectivement, c'est un moyen simple de créer de la motricité. Ces contraintes ont permis au cours de l'évolution de faire émerger souvent plusieurs fois des solutions différentes, mais dont le principe de fonctionnement est le même. Hein. On peut prendre l'exemple de l'aile, qui est classique pour une convergence évolutive. Vous avez des ailes chez les insectes, des ailes chez les oiseaux, des ailes chez les chauves-souris. Et l'aile des oiseaux n'est pas du tout fabriquée comme l'aile de la chauve-souris, qui est la main de la chauve-souris et non pas son membre supérieur. Et l'aile des insectes est une différenciation du thorax qui n'a absolument rien à voir avec un membre. Donc c'est trois fois des solutions différentes pour une même fonction volée. Et ça, c'est typiquement une convergence évolutive. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Et plus on étudie l'évolution aujourd'hui, plus on s'aperçoit que ces contraintes ont pu générer ce type de convergence. Alors, qu'est-ce qui booste l'évolution d'un cerveau et comment étudier les cerveaux primitifs ? Restez à l'écoute. Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. h 37, Rihanna sur France Culture, Love on the Brain, car nous parlons de l'histoire évolutive du cerveau en compagnie de nos deux invités, Philippe Bernier, directeur de recherche CNRS et directeur de l'Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot, et Emmanuel Gillissen, conservateur des mammifères au Musée de l'Afrique à Tervuren en Belgique. Nous venons de voir en première partie comment notre cerveau pourrait trouver ses racines dans celui d'un petit ver fossilisé qui arpentait le fond des océans il y a 525 millions d'années. Et aujourd'hui, on peut difficilement comprendre parfois à quoi ressemblaient les cerveaux dans des temps très anciens, étant donné qu'il s'agit de tissus mous qui se conservent très mal. Mais parfois, les chercheurs ont de la chance. Et pour le reportage du jour, vous avez rencontré l'un de ces chanceux, Antoine Bouchon, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et ce chanceux s'appelle Alan Pradel. Il est paléontologue au Centre de recherche en paléontologie au Muséum national d'histoire naturelle. Et en 2009, il a fait la première découverte d'un cerveau fossilisé d'un poisson cartilagineux vieux de 300 millions d'années, un poisson proche des chimères actuelles. En utilisant un scan par holotomographie, lui et ses collègues ont pu observer l'intérieur du crâne fossilisé de ce poisson et découvrir avec surprise que le cerveau de ce poisson était lui aussi fossilisé. À partir de ces images, Alan Pradel et ses collègues ont reconstitué par impression 3D le cerveau de ce poisson et ont pu établir des connexions entre ce cerveau très ancien et les cerveaux de certains poissons actuels. Alors, c'est un poisson cartilagineux, donc du groupe des chondrichtiens, qui comprennent les requins, les raies et les chimères. Et c'est une chimère qui vivait au Carbonifère, donc il y a environ 300-320 millions d'années. Donc on l'a retrouvée dans le Kansas, et puis je l'ai étudiée pour ma thèse. Il s'agissait de reconstruire en 3D son crâne au début. Et puis on s'est vite rendu compte qu'à l'intérieur du crâne, il y avait un truc bizarre qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez les fossiles. Et donc on a étudié ce spécimen avec des nouvelles technologies comme le CT scan pour pouvoir extraire virtuellement le crâne de sa gangue et avoir une image en 3D de ce fossile. Alors, vous voyez ici ce fossile qui était en partie dégagé manuellement. Donc c'était dans un nodule, une roche ronde, qui a été donc préparée manuellement pour découvrir le fossile. Et puis on a très vite arrêté parce qu'en fait, les chimères ont un squelette cartilagineux, donc très fragile. Et donc, on a commencé à péter des trucs. On s'est dit, non, on va arrêter là. Donc ça, c'était dans les années 70. On a attendu le développement de nouvelles techniques non destructives, comme le CT scan. Et voilà, pendant ma thèse, on a décidé de le scanner. Et là, on peut voir qu'il dépasse de la roche la partie avant du crâne, avec ici les narines et ici l'orbite. Alors là, effectivement, on ne voit pas grand-chose. Notamment, on ne voit pas tout ce qui est au niveau de l'anatomie interne. Et en scannant ce spécimen, on a pu reconstruire l'anatomie interne du crâne. Alors, pour être tout à fait honnête, on n'avait pas du tout idée de trouver un cerveau fossile dans ce crâne. Ça s'est vraiment fait par chance. On a scanné donc le fossile. Et puis, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait une tache blanche assez symétrique qui se propageait sur pas mal de coupes. Et au début, on était loin de se douter qu'il s'agissait d'un cerveau. On pensait que c'était un bout de cartilage qui avait cassé pendant la fossilisation. Et puis, après avoir reconstruit le crâne, je me suis dit, tiens, par curiosité, je vais voir à quoi ressemble ce bout de cartilage. Et puis, en le modélisant en 3D, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout un cartilage, mais que ça ressemblait à un cerveau. On a un peu bugué parce que c'était exceptionnel. On n'avait pas d'autres exemples de cerveaux fossilisés chez les vertébrés. Et après d'autres études au synchrotron, on a pu affiner l'image et se rendre compte qu'effectivement, on voyait un cerveau avec toutes les caractéristiques du cerveau d'une chimère actuelle avec le cervelet, le diencéphale, les lobes optiques, des nerfs également, qui allaient vraiment vers les foramens dédiés à ces nerfs. C'est-à-dire qu'à partir du scan que vous avez réalisé, et à partir de cette image-là, vous avez pu faire une reconstitution 3D à une échelle supérieure, pour avoir plus de détails, dans un matériau artificiel, un matériau plastique. Oui, c'est ça. Alors déjà, on a le modèle en trois dimensions sur notre ordinateur, ce qui nous permet de le manipuler plus facilement et de pouvoir également le partager avec des collègues. Et puis ensuite, on a pu, à partir de ce modèle en 3D numérique, l'imprimer en trois dimensions. Et donc ici, vous avez la version agrandie du crâne. Ce qui était visible du nodule, c'était cette partie-là. Donc là, on voit qu'on a toute la partie cachée, qui était cachée dans le nodule, avec les orbites ici, les narines et la mâchoire supérieure qui est ici. La mâchoire inférieure est cachée ici. Et on peut l'articuler avec le reste du crâne. Alors, on a également modélisé en 3D la cavité endocrânienne dans laquelle se logeait le cerveau, qui est ici, à la même échelle. Avec ici, on a une information sur l'oreille interne avec les canaux semi-circulaires. Donc ça, c'est très intéressant également, parce qu'on sait que les canaux semi-circulaires sont nécessaires pour inférer comment se déplaçait l'animal, comment il appréhendait son environnement. Et puis, on a le cerveau. Donc ici, à l'échelle, tout petit, là, pour tout petit, ouais. Et puis une version agrandie du cerveau qu'on voit ici. Alors si on regarde le cerveau, vous avez ici le cervelet, ici les lobes optiques et puis ici les nerfs optiques. Et à partir de cette modélisation-là, est-ce que déjà, en observant ça et en étant spécialiste de la question, on peut émettre des hypothèses sur tout un tas de phénomènes liés à la perception de ce poisson ou d'autres éléments? Oui, donc là, on voit bien la forme et puis l'importance relative des lobes optiques par rapport aux autres parties du cerveau. Donc, on voit qu'ils sont très développés. On voit qu'il avait un tout petit cervelet aussi, donc pas très complexe. Assez lisse. Malheureusement, toute la partie avant du cerveau, qu'on appelle le télencéphale, n'est pas préservée. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que chez les chimères actuelles, ce télencéphale est vraiment particulier. Et donc, il aurait été bien de l'avoir pour pouvoir le comparer avec les espèces actuelles et surtout le comparer avec le groupe frère des chimères qui est les requins. Oui, parce que là, ce poisson, on le rappelle, a 300 millions d'années, c'est rarissime d'avoir un cerveau fossilisé. Donc là, en soi, on a un trésor qui peut apporter plein d'informations sur aussi la compréhension de ces poissons-là, les chimères actuelles ou bien des requins. Exactement. C'est vraiment une découverte extraordinaire dans le sens où c'est très rare. Jusqu'à présent, on n'avait pas d'exemple de cerveau fossilisé chez des poissons fossiles. Et puis, ça a un peu lancé le mouvement sur l'étude et la recherche de cerveaux fossilisés. Et notamment, des collègues aux États-Unis sont donnés pour mission de chercher d'autres fossiles de cerveau. Ils en ont trouvé. Donc, a priori, ce sont des découvertes qui vont venir de plus en plus fréquents avec le temps. Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage. Une réaction, Emmanuel Gillissen, à ce qu'on vient d'entendre ? Et oui, c'est fort intéressant parce que quand on effectivement une image du cerveau des holocéphales, par exemple, bon, ici de la chimère, nous montre effectivement un télencéphale extrêmement allongé. Vous voyez, c'est une structure totalement différente de ce, enfin, évidemment, comme dit Philippe, hein, avec les mêmes composants, les mêmes pièces de base, hein, mais topologiquement, ça s'éloigne très fort du cerveau des mammifères et autre chose de ce genre auquel on est plus habitué. Alors, il y a aussi quelque chose que je voulais quand même dire. Effectivement, attention quand on compare ainsi des cerveaux, alors le cerveau, l'empreinte dans le crâne, etc. N'oublions pas, effectivement, comme l'a bien dit le scientifique que nous venons d'entendre, ce cerveau était contenu dans une structure cartilagineuse. C'est pas du tout le cas chez les mammifères. Donc ça, c'est bien gardé en tête quand on compare des empreintes de cerveau à partir de ce qui reste du crâne, vous voyez. Et j'aimerais, si je puis me permettre, revenir sur une chose qu'a dit Philippe, qui était extrêmement importante dans ce qui nous a donné comme exposé de l'origine des systèmes nerveux, c'était surtout l'aspect fonctionnel, si vous voyez, qu'il a mis en évidence. Et effectivement, même sans parler déjà du système nerveux en tant que tel, mais simplement du neurone, une définition pragmatique du neurone est tout à fait fonctionnelle, si vous voulez. Sera tout à fait fonctionnel. Bon, c'est difficile d'avoir des marqueurs génétiques pour les neurones par rapport à d'autres cellules. C'est difficile. Des critères structuraux, c'est la même chose. C'est vraiment des aspects physiologiques qui vont intervenir. Et alors, le fait que les neurones, simplement, je parle même pas encore de système nerveux, mais de système nerveux, je dire centralisé, plus évolué, mais le fait d'avoir des neurones pour s'opposer, si vous voulez. Voilà, on ferme ou on referme ou on ouvre ou on ferme des appendices, par exemple. On contracte où on allonge le corps. Vous voyez ? Voilà. Philippe Bernier, je voudrais vous aussi une réaction à ce reportage qu'on vient d'entendre avec Alain Pradel au Muséum National d'Histoire Naturelle. Oui, alors c'est effectivement une découverte extraordinaire par sa rareté, comme cela a bien été dit. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, cela confirme ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est que sur ce crâne fossilisé, on peut retrouver les grandes parties, les grandes divisions du cerveau dont on parlait tout à l'heure et qu'on avait jusqu'à présent mis en évidence que chez les animaux qui vivent aujourd'hui. Donc le fait qu'on retrouve, comme on s'y attend, mais c'est toujours mieux de le montrer, ce qui est prévu est en soi une découverte importante. Et puis, effectivement, on regrette que la partie antérieure du cerveau ait été perdue, parce que, comme l'a dit Emmanuel, c'est chez ces chimères, c'est ça qui les distingue des autres poissons cartilagineux. On regrette un peu qu'on ne puisse pas en savoir plus. Mais par exemple, comme on sait déjà des choses de cet animal, puisqu'effectivement, il avait, ça a été dit, des gros lobes optiques, c'est-à-dire les régions sur lesquelles les nerfs optiques et le système visuel projettent. Donc ça montre que probablement, cet animal avait une excellente vision et s'en servait pour ses différentes fonctions. Et c'est important ce que disait Emmanuel aussi, effectivement. Pendant très longtemps, dans ces comparaisons de cerveau, l'aspect fonctionnel était occulté parce qu'on disait souvent qu'on pouvait rien en faire. La fonction, comme on peut l'obtenir, comme on disait tout à l'heure, de façon convergente par plein de moyens, finalement, elle nous disait peu de choses de l'évolution. En réalité, on peut aussi prendre les choses à l'envers et de dire que c'est parce que ça sert à quelque chose et que ces fonctions sont importantes, que les structures nerveuses et les autres structures du corps également doivent évoluer. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. 16h49 sur France Culture avec Philippe Vernier et Emmanuel Gillissen. Nous parlons de l'origine des cerveaux et nous venons de voir que le développement du cerveau n'a pas été linéaire et continu. Quant au cerveau humain, on arrive à la fin de cette émission. Cette épopée commence il y a 7 à 8 millions d'années quelque part en Afrique centrale où vivait l'ancêtre commun à notre lignée et à celle de nos plus proches cousins actuels, les chimpanzés et les bonobos. Emmanuel Gillissen, quelles sont les hypothèses sur le cerveau de notre ancêtre commun ? Ben, c'est sans doute un cerveau du point de vue de ses dimensions qui devait effectivement être grosso modo quelque chose comme les 300 ou 400 centimètres cubes comme les chimpanzés actuellement. Ceci dit, bon voilà, on a, pour répondre très exactement à votre question, on ne peut pas aller au-delà de ce que je viens de vous dire parce que on n'a pas accès à ce cerveau. Tout ce qu'on pourra faire, c'est des moulages endocraniens sur des créatures ancestrales ou qu'on estime les plus proches de l'ancêtre. C'est ça qu'il faut dire, hein, les créatures les plus proches de l'ancêtre. Excusez-moi. L'ancêtre, ça n'existe pas. C'est comme les chaînons manquants. Les créatures le plus proche de celles qui étaient communes effectivement aux lignées humaines et aux lignées du chimpanzé. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Bon, si on fait un moulage endocrânien, on fera un moulage de la méninge. Vous voyez, parce que la méninge est fort épaisse. Donc on voit rien du tout du cerveau, on voit uniquement une empreinte de la méninge, et tout ce qu'on peut voir, c'est la dimension, donc effectivement quelque chose qui serait sans doute 300-400 centimètres cubes, et alors la forme du cerveau. Vous voyez, la forme du cerveau devrait être à peu près comme celle de l'être humain ou du chimpanzé, parce que par exemple, les asymétries de la forme du cerveau ne peuvent se définir qu'au niveau d'un échantillonnage, vous voyez, au niveau d'une population. Donc ça, c'est fort intéressant. Les asymétries de la structure, par exemple, pas seulement de la forme de l'hémisphère gauche par rapport au droit, mais les asymétries de structure interne, alors qu'on y a accès, asymétries des structures internes au cerveau, ne peuvent se définir qu'au niveau de population. Or, par définition, un fossile, c'est un accident. Il ne devrait pas être là. Nous retournons à la poussière. Hein. Donc on trouvera un fossile. Et alors, on ne sait, pour ainsi dire, que faire des supputations éduquées, comme on dit, à propos de possibles asymétries. Philippe Vernier, pardon. Oui, alors, effectivement, comme Emmanuel vient de le dire, on n'a pas d'idée de la structure fine de ces cerveaux ancestraux parce qu'on, effectivement, c'est important de souligner qu'on a d'abord très très très peu de fossiles et qu'ensuite on n'en voit que la partie vraiment extrêmement émergée de l'iceberg. C'est même pas un iceberg d'ailleurs. Dans ce cas-là, c'est plutôt une tête d'épingle. Donc il faut être extrêmement prudent. En revanche, ce que l'on peut voir, c'est l'augmentation globale de la taille du cerveau qui correspond à celle du corps. Et puis ensuite, tout un ensemble d'évolutions pour lesquelles on a un parallélisme entre ce qu'on peut observer du crâne de ces hommes fossiles et puis de leur mode de vie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on en apprend le plus. Le passage à la bipédie, par exemple, a été déterminant pour l'émergence de l'espèce humaine. Ça a probablement modifié un très grand nombre des caractéristiques du développement du cerveau humain, en particulier le fait que le cerveau humain se développe avec une période postnatale très longue. En fait, la bipédie a rétréci, si vous voulez, le détroit par lequel passe la tête du bébé lors de l'accouchement. Ce qui a en quelque sorte obligé le bébé humain à accoucher immature, à naître immature, ce qui n'est pas le cas des petits chimpanzés, des petits bonobos ou des petits gorilles. Mais cette immaturité à la naissance est une particularité de l'espèce humaine par rapport à ses autres cousins germains primates, mais qui en même temps a été probablement une chance pour permettre en fait à ce cerveau de recevoir toute l'influence du milieu extérieur, de l'éducation parentale et de permettre aussi à finalement à ce cerveau d'apprendre le monde et son environnement de façon extrêmement efficace parce que la plasticité du cerveau chez ces tout petits bébés est bien plus grande qu'elle ne peut l'être plus tard au cours du développement. ce qui est le cas des chimpanzés ou des gorilles ou des orangs-outans, par exemple. Oui, ce lien mère-enfant serait, selon certaines théories, à l'origine du premier proto-langage de notre espèce. Merci infiniment à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Il est temps de retrouver Étienne Klein et sa chronique, le pourquoi du comment. Qu'est-ce que la radioactivité artificielle ? On sait aujourd'hui que la radioactivité naturelle, sous ses divers modes, a joué un rôle essentiel dans l'organisation de la matière tout au long de l'histoire de l'univers. Sans elle, point d'étoiles, point de soleil, et donc pas de vie sur Terre. Elle imprègne tout l'univers, et donc l'environnement de notre planète. Aussi bien l'air qui compose son atmosphère que ses sols. Elle imprègne également nos propres corps, qui sont tous naturellement radioactifs. Elle couvre en somme l'ensemble des phénomènes où des assemblages de particules se combinent, se dissocient, capturent ou expulsent d'autres particules. Mais il existe une autre radioactivité, artificielle celle-là, qui provient d'éléments qui n'existent plus dans la nature et que l'homme est parvenu à refabriquer, volontairement ou non, par le biais de réactions nucléaires. Il s'agit en fait de la même radioactivité que la naturelle, régie par les mêmes lois physiques, mais avec des périodes radioactives en général beaucoup plus courtes. Ce sont Irène et Frédéric Joliot-Curie, fille et gendre de Marie Curie, qui l'ont découverte en 1933. Ils ont montré qu'en bombardant des noyaux d'atomes, on peut les transmuter, c'est-à-dire modifier leur effectif en protons et neutrons. Vieux rêve du plomb transformé en or. Les Joliot-Curie constatèrent d'abord que de l'alluminium-27, bombardé par des particules alpha, peut se transmuter en silicium-30, qui est stable. Une étude plus fine de cette transmutation leur révéla ensuite qu'elle se déployait en deux temps. L'aluminium-27 se transmute d'abord en phosphore-30, isotope radioactif du phosphore qui n'existe pas sur Terre, puis ce phosphore-30 se transforme en silicium-30 en transformant l'un de ses protons en un neutron. Vous me suivez ? Depuis cette époque, on utilise souvent des neutrons pour créer des éléments radioactifs artificiels. Pourquoi ? Parce que les neutrons étant électriquement neutres, ils s'approchent facilement du noyau qui peut alors les absorber. Ce processus mène à un nouvel assemblage de protons et de neutrons qui est souvent radioactif. On a ainsi pu synthétiser une vingtaine de radioéléments artificiels, comprenant le prométhéum de numéro atomique 61 ou l'astate de numéro atomique 85. On a également pu fabriquer des éléments plus lourds que l'uranium, qu'on appelle les transuraniens, comme le neptunium, le plutonium, l'américium ou le curium. Au total, on connaît aujourd'hui près de 3000 isotopes radioactifs de l'ensemble des éléments chimiques. Il y a quelques années, des physiciens ont même pu fabriquer des noyaux tout à fait originaux, des noyaux qui ont un nombre de protons tellement plus élevé que le nombre de neutrons que les forces nucléaires ne sont plus capables de lier tous les nucléons entre eux. Ces noyaux, qui sont introuvables sur Terre, donnent lieu à un nouveau type de radioactivité. Ils peuvent se débarrasser directement d'un ou de deux protons sans les transformer en neutrons comme dans un processus de radioactivité bêta classique. Ce mode très original de radioactivité avait été prédit par les physiciens dès les années 1960, mais il ne fut observé pour la première fois qu'en 2002 grâce à la fabrication de noyaux de fer 45 contenant 26 protons comme tous les noyaux de fer, mais seulement 19 neutrons. Mais il faut que je m'arrête. J'ai conscience que je vous ai assommé avec beaucoup trop de chiffres. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous d'être à l'écoute. Merci à toute l'équipe. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Prima Anolo, Céline Lozen, Nafi Terrasse, Mariam Ibrahim. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Alex Dong. Cette émission, ce podcast à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.